c'est dur de tête, favela Srin. Imagine, une sale équipe dans un PPPM. Aïe. Ici c'est un gang bang, que ça fume le banquier. Faut coffre ta bande et c'est le bang bang sur l'arrière bancaire. Cloué sur un banc, sur un tabouret d'un bar. Ça parle de billets de banque, le fer au bal et plein d'impact de balles. Des balles, mes rimes comme des baffes car y'a trop de mythos. Comme ceux qui portent pas leurs couilles, disent porter des métaux. Dans leur sang, se disent les kicks, c'est comme mes bons admettons. Dans leur clip, roule en Cayenne, mais comment prennent le métro. Sa vie d'argent, S.A.L. la bande, tu sais comment elle est. S'écoute que ce m'a fait ma L et passe des soirées comment elle est. Dans un tas trop de THC, la puissance l'a dit THC. C'est peut-être pour ça que t'as la chasse, qu'on part pas à nous THC. Maintenant le rap se trouve aussi, les risques gravés sur un missile skull. Bientôt y'aura le scud, on se tue dans ta force crève. On vient de la rue des produits purs de test. Hagar lyrical, favela, srin est dur de tête. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 mains en roue arrière, ton besoin t'arrache. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 mains en roue arrière, ton besoin t'arrache. J'ai usé armes de guerre, transac, shit flic, action. Terre, terre, mission, grosse équipe de barjo. Braquage, arrivage, tous condamnés au carnage. Y'a des tox dans les parages, ça fume à n'importe quel âge. Nos aigles de la route sont tous morts dans les virages. La haine envers la chemiture, car ils nous mènent la vie dure. Pour affronter cette merde, les petits styles, des putains de carrures. Big courbature, big feuille rature. Fuck le commissaire et toutes leurs policières bavures. Nerveux par nature, on se laisse pas faire pointu. On boycotte le système car on sait que leur loi tue. Excessif chômage, jeunesse dépourvue. Pourvu que la réussite sourit un jour aux hommes de rue. Oppressés dans l'âme, c'est sur l'espoir qu'on se rue dans. Lâche notre putain de monnaie, ton contrat on va l'honorer. Rap tuck pour tous les mauvais, sur le terrain je compte l'enlever. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Charcot par un lobby, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Dans mon quartier, c'est dégradé, c'est crade que des cramés. J'passe mon temps à grailler, mon shoot-eye toute l'année. La plupart de mes journées, je les passe à brailler. La colère dans l'attitude avec le corps d'un damné. J'ai pas le temps de m'intégrer, j'ai décidé de me retirer. Déraciné de mes cultures de décimer mes démons, on fait des rimes diaboliques, haineux. Demande à des deux dés, on n'est pas alcoolique, peineux. On cherche à cacher sur l'instru, là mes propos. J'suis pas de ces gens qui se couchent trop tôt, aussi balèze que le balèze. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, non, non, poteau, t'es pas synchro. Dans mon crew, y'a que des pros, même si regarde à ton rétro, c'est ce but-là, donne à l'écran. Dans nos poches, Anada, on veut des paires de Prada. Aussi infaillible qu'on soit, dis-toi qu'on est fada. On est d'attaque à t'attaquer, on fait des tacs, mais des taquets comme Jirim, cassé bin, bin. Moi j'fais l'attaque du bing bang. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Ouvre tes oreilles, frère, voilà du rap de vrai crin. On veut tous qui t'appartient, c'est l'heure de ton déclin. 14 pour le 13, direct ressens la braise. Tu testes, on t'écrase, vas-y, préviens la presse. C'est quartier nord, puis serine. Puis quand ils font vert, on te lâche quelques bombes. Façon bouffon vert, par la screen de l'arbre. On atteindra la cime, on a le gun qui est la cible. On a tout d'un invincible, dur de tête et dur de corps. L'amour du risque dans le cœur, un gilet pare-balles, un guise de corps. Négro, plus que la dalle, j'ai les crocs. J'embrasse mes dents dans le micro, sous le béton, je perds mon temps. Je rêve de scier ça, j'observe l'écran. J'ai envie des billets sales, les caillis de à l'écran. J'ai envie d'imiter ça, je veux mon Cayenne. Une 206, ça le fait moyen, je veux une pompe à une meuf moyenne. Ils veulent cibler nos pas, on va les cribler de bas. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Charcot par un lobby, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Favela la screen, BPPM, on arrache ton bœuf. Écoute la sauce qui arrive. Sur ce, dédicace à mon sauce Cali. Aïe. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache. Ça repart à l'ovide, nos durs de tête sont malades. Là où je vis, y'a que du haram, y'a que des malades. Là où c'est l'éternel combat, les bolides arrachent. 14 aimants en roue arrière, ton besoin t'arrache.